cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir, al-naqid, al-thani wa al-thalith. Faman yaqra al-thani, qui c'est qui récite le deuxième annulatif, total. Al-thani, al-ja'ala baynahu wa bayna Allah wa sa'ita. يدعوهم ويسألهم الشفاعة. يدعوهم للجمع. ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فذلك كفر إجماعا. فقد كفر إجماعا. أحسنت، فقد كفر إجماعا. ما معنى هذا الناقض عند من؟ كيسكي نوز إكسبليك باختصار هذا الناقض ستانيولاتيف عند من؟ تفضل. ما المقصود بينه وبين الله يعني وسط ويدعوهم؟ ما معنى قوله جعل بينه وبين الله واسطة؟ اسكو تا كومبري من هذه الجملة؟ أحسن، يعتقد هذا المشرك أن السيء يدمون ديريكتومو الله سبحانه وتعالى فدعاؤه غير مقبول. لماذا؟ لأنه لدي ذنوب، إلى ضعف، إلى ديمانكمون، إلى آخره. فإي بونس كو سي دوموند أ سيت انترميديير، كو سوا إن ستاتيو أو أن قبر ميت أقصد، أو أن صالح، سي لوي دوموند أن الله سبحانه وتعالى يفا ريبوند، لأن الله يلم سو مور مثلا. وهذا سي دو شرك. لماذا؟ Pourquoi c'est du shirk? Et pourquoi Cheikh al-Islam il l'a cité fi an-nawaqid? لأنه دعا غير الله. قد يقول قائل أنه يجوز، c'est permis de demander à un homme pieux, rajulun salih, c'est permis de lui demander qu'il fasse dua pour nous. والدليل أن في زمن عمر رضي الله عنه لما أصيبوا بالقحط، ils ont été éprouvés par la sécheresse. Ils ont demandé à l'Abbas, radiyallahu anhu, l'oncle du prophète, sallam, de faire du'a. Quand il dit, qa'ilun, ou sa'ilun yas'al, pourquoi dans ce cas, ce n'est pas du shirk? Indaman? Ahsan, li'annahu hay. Et le vivant, il est qadir. Hatta annahu la yambaghi tawassu' fi hadha, al-insani, il demande, binafsi. Lakin, s'il demande à rajulun salih ahyanan, falaba. S'il est vivant, il fait du'a pour lui. لكن هؤلاء يدمون على المور والمور إلى با كابابل سي ليون دوموندي سي كيزون عقيده انه إلى كابابل اي سي سا عين الشرك سي فور سا شيخ الاسلام لا سيتي في النواقض فلا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى لان الدعاء عباده اما دوموندي ا ان بيرسون فيفون دو فير دعاء تا با في دعاء بول او تا با في تو لا با انفوكي من دون الله لا لانه إلى حي لقدر يبي فير سيت شوز فهي يدعو لك حتى كما نادي الإنسان لا يتوسع في هذا. الناقض الثالث من حفظه فليقرأ. تفضل. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فصحح مذهبهم كفرا. أحسنت. ثالثاً أنولاتيف من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. لماذا؟ Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, il a cité ce point dans les annulatifs de l'Islam. Ah, il est où le rapport entre ce qu'il a cité, rahmatullah alayhi, et le kufr? Tfaddal. Yukhalif kalam Allah. Zed. Tfaddal. لماذا شيخ الإسلام إلى ستة سبوا في نواقض الإسلام أو pourquoi c'est du kufr هذا؟ لأن الله جل وعلا قال في كتابه أهل الكتاب ومشركون هم سمي كفرا. نعم، الله سبحانه وتعالى كفر هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين. فالسلوي كلي كفر بماذا؟ يكفر. نعم، لماذا؟ نعم، لأنه لا يؤمن بهذه الآيات أو لا يصدق هذا الكلام فيكفر بالله عز وجل. On est obligé de croire en tout ce qu'il y a في القرآن الكريم. كذلك un autre point important أن في الإيمان لابد من ماذا عندك؟ الكفر بالطاغوت. ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ومن الكفر بالطاغوت c'est le كفر بجميع ما يعبد من دون الله. فمثلا on a aucun doute que les Nasara ils font du shirk. C'est pour ça qu'ils ont sorti de l'Iman et de l'Islam. Al-Yahoud kadalik, c'est pour ça qu'ils sont sortis de l'Iman, ils ne sont pas rentrés dans l'Islam. À cause de had, à cause de leur shirk, wa la yu'minun bil rasul ila akhiri. Celui qui dit c'est pas des kuffar, qu'annahu il est d'accord avec leur din. Alors que le mu'min ne doit pas être d'accord avec le kuffar. Bel yajib alayhi an yakfur bil kuffar wa yakfur bil ta'ud. Faman yakfur bil ta'ud wa yu'min billah. Hada c'est kalamullah. Obligé de détester et de mécroire au ta'ud. Et كذلك الايمان بالله. Et celui qui a ces deux points, fa inshaAllah, il a haqqaq al-shahada. Et tout cela, on l'avait cité, fi ma'na la ilaha illallah. Fa fi al-haqiqa, celui qui ne kaffre pas le mushrikin, al-yahoud, al-nasara, ila akhri, il n'a pas haqqaq la ilaha illallah. Léana, si il dit la ilaha illallah, et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Il doit avoir cette croyance. S'il pense que al-nasara, ils sont à la shay, à la din sahih. On est tous d'accord que les Nasara, ils adorent Isa. Le Maryam, ils adorent sa mère. Enfin, l'imam, il dit la ilaha illallah, s'ils pensent que les Nasara, ils sont à la haqq, ça ne va pas ensemble. Celui qui dit la ilaha illallah, bi haqq ou bi yaqin, il doit automatiquement dire que les chrétiens, ils sont à la kufr. Il y en a, ça ne va pas ensemble. Wahid, il dit la ilaha illallah, et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, al-tawhid. Thumma, il dit que les Nasara, ils sont à la haqq. Il se contredit. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, il a cité ce point. تنبيه مهم on a fait un تنبيه مهم هنا ما هو عندما on a fait une remarque هنا dans ce ناقض cet annulatif وهو بأشياء واضحة الكفر لابد أن يكون كفرا واضحا أما كافر والعلماء اختلفوا في حاله est-ce que c'est un كافر أم لا مثلا ce شخص في هذا الحال on dit pas celui qui le rend pas kafir c'est un kafir là si son amr il est pas واضح كما يحصل بعض الاحيان فهذا ça rentre pas في الناقد الناقد هنا c'est الكفار الواضحين les juifs les chrétiens الى اخره فهذا لا يجوز لاحد ان يتوقف لماذا لان الاجماع قائم على كفرهم يا aucun خلاف فلا يجوز لاحد ان يشك في هذا c'est pour ça que Cheikh l'islam dans la kalima qu'on a fait sur الروافض quand il a cité que بعض الروافض الزنادقة يقولون أن عيسى أو أن أقصد جبريل il s'est trompé عياذا بالله ou il a trahi il n'a pas donné le message à Ali et كذلك ils disent que الصحابة c'est des كفرة عياذا بالله كذلك بعضهم يعتقدون أن علي c'est الإله et يعتقدون في الأئمة des صفات du رب et de الإله عز وجل Cheikh l'Islam, t'adkouron, le calam qu'on a cité, n'a-oula, c'est des kuffars, il n'y a aucun doute, bel, il n'y a aucun doute que celui qui ne les rend pas kuffars, c'est un kafir lui-même. L'imana, l'annahu, celui qui a tawakkaf fi ha-oula, il a chaque annahu, il a un problème fi iman, et il est à la khatar, ayyadam billah. Hadihi nawaqid, al-hifz muhim, apprenez-les par cœur, kadhalik, ahammu min hadha min al-hifz c'est de comprendre faire la relation limada Cheikh l'islam il a cité ce naqd amma tu l'aurais cité si on te demande pourquoi c'est du kufr la tastati' la c'est insuffisant antum faites des efforts et nous on cite hadha fi ad-dars Cheikh Najmi le cite fi al-muraja'a quand vous révisez posez-vous cette question mathalan vous lisez al-thalith min al-nawaqid man lam yukaffir al-mushrikeen aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara al-ijma' tu te poses la question limada. Pourquoi ce troisième annulatif? Annulatif de quoi? De l'islam. C'est ça cette risale-là, le sujet. Tu te poses la question, pourquoi il l'a cité, Huna? Et tu dois comprendre, tu dois savoir répondre. Il a cité ce point, Huna, le fait de penser que les kuffars, haoula, c'est des muslimines, ça contredit al-tawhid. Et celui qui contredit al-tawhid, la shakanahu, il contredit al-islam. C'est ça qui est important dans ces durous. Man yurid yaqra, avant qu'on... On lise le quatrième annulatif. Total. عليهم. عليهم كفر. الثالث. فقد كفر إجماعا. فقد كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم صحح أو صحح مذهبهم. أحسنت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الرابع أي الناقض الرابع كاتخيام أنولاتيف دي الإسلام من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض تقدم معنا دون بلوزيغ دروس اون اكسبيكي ما يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله. هنا اون لي كلام الشيخ نجمي اون راجوت ما تيسر من كلام اهل العلم. قال العلامة الشيخ نجمي رحمة الله عليه ومن مقتضيات الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن هديه أكمل هدي وأن حكمه أحسن حكم. قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سي المؤمن شك مؤمن دو أبوغسة عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé. Donc tout ce qu'il dit c'est haq. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Allah subhanahu wa ta'ala il lui révèle. Donc nous on croit que tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit c'est haq. هذا حال المؤمن. Celui qui pense qu'il y a une voie meilleure que celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فلا شك في كفره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم c'est أفضل البشر, c'est أفضل الرسل. Allah subhanahu wa ta'ala أنزل عليه أفضل الكتب. Enfin, il ne peut pas avoir une voix meilleure que celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui pense qu'il y a une voix meilleure que celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va suivre autre que Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il va choisir un autre dîn. Et là, chacun a hada, c'est du kufr. Donc c'est ça le lien entre ce naqib et le kufr billahi azza wa jal. Il est wadih. Qala al-istifhamu fi hadhihi al-aya istifhamu ninkari. Al-istifham huna c'est bien le su'al. C'est comme une question qui est posée. قال عز وجل ومن أحسن et qui sait أحسن من الله حكما et qui a un meilleur jugement que Allah subhanahu wa ta'ala. بالعربية ça s'appelle استفهام إنكاري. C'est une question لكن من باب أن il n'y a pas un meilleur jugement que celui d'Allah عز وجل. قال معناه أنه لا أحد أحسن حكما من حكم الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل خطبته التي كان يبدأ بها وأحسن الهدي هدي النبي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فإذا كان خير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه فمن لم يعتقد ذلك بل اعتقد أن هدي غيره أحسن من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه فإنه حينئذ قد كفر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن on croit au message d'Allah صلى الله عليه وسلم, on croit qu'il appelle au haq, qu'il est à la haq عليه الصلاة والسلام. Toutes ces informations doivent croire que c'est haq. Mais le fait de croire qu'il y a une voie meilleure ou un hukm meilleur que celui du prophète عليه الصلاة والسلام ou ما جاء في القرآن, فلا شك في كفره. قال فالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه يعتبرون كفارا من أجل ذلك. C'est ça que c'est grave de penser qu'il y a une voie qui est meilleure que celle du prophète عليه الصلاة والسلام. Ou il y a un dîn qui est meilleur que l'islam. Ou il y a une sharia qui est meilleure que celle de l'islam. Un hukm qui est meilleur que celui de l'islam. Tout ça c'est du kufr. فالإنسان يحذر. Ce genre de pensée elles sont propagées à notre époque. بكثرة. La démocratie, la laïcité, tout ça c'est du kufr billahi azza wa jal. لماذا? لأن pour eux, c'est la solution pour tous les problèmes des êtres humains. Pour eux, c'est la voie qu'il faut suivre. فلهذا, celui qui ne suit pas cette voie et la démocratie, la laïcité, pour eux, il n'est pas à la sawab. Et c'est pour ça qu'ils yuharibouna. Et كم من الناس يغتروا بهذا. Ils pensent que la démocratie, c'est la solution. Ils pensent que l'islam, c'est plus adapté à notre époque. Ils pensent que les jugements ne sont pas compatibles avec la société d'aujourd'hui. Tout ça c'est khatir. Limada, لأن celui qui a révélé هذه الأحكام c'est Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est alim, khabir, hakim. Donc ce qu'il a révélé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est compatible. Ila qiyam al-sa'a. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. C'est une ni'ma min Allah. Et avec l'avenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de messager ba'da. Et ça te montre que la sharia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a adapté jusqu'à yom al-qiyama. لماذا لأن c'est حكم الله عز وجل. Enfin, celui qui pense que ce n'est pas adapté, ou il y a une voie meilleure, ou c'est plus d'actualité, هذا عيادا بالله, c'est لا شك أن هذا اللي اعتقاد سيدي كفر بالله. الإنسان يحذر الخير اللي في الإسلام اللي با في حكم البشر. أتأملوا الآن leur démocratie, toutes les contradictions qu'il y a. حتى بعض الكفار ils sont pas d'accord, ils veulent autre chose. لماذا؟ لأنه c'est pas من عند الله عز وجل. فالمسلم لا يجوز له أنه يدلس هذه النعمة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. C'est une rahma pour le bachar. الحدود c'est une rahma pour le bachar. أما ces قوانين et la démocratie, la laïcité, c'est pas une rahma. Mais ça fait que égarer العباد. Et العذاب يوم القيامة إلى أشد. قال ويدخل في القسم الرابع. نعم نبه هنا في الحاشية أن هذا نعم قال راجع رسالة العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. هذا الكلام سراجو من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه dans sa رسالة. C'est un rajout important. قال ويدخل في القسم الرابع أي dans le quatrième annulatif. من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام وأن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو الحادي والعشرين أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين. celui qui croit أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام. On a un exemple avec la démocratie. La démocratie, c'est une invention des kafars. Ils voulaient plus de leur dîn, une nasraniya. Ils se sont révoltés et ils ont inventé la démocratie. أي أن الحكم إلى للبشر. C'est pas الحكم لله. لأن à l'époque الحكم eux c'était l'église. Ce qu'ils appellent le clergé إلى آخره. أي leur دين النصرانية. Ils avaient des choses. Ça c'est halal, ça c'est haram. Ils voulaient plus de ça. Ils se sont révoltés. Ils ont fait tomber l'église. Et ils ont inventé la démocratie. Et celui qui invente les lois, c'est le peuple. Et même c'est du kadim في الحقيقة. C'est pas le peuple. C'est un ou deux qui inventent et les autres ils suivent. المهم ils ont délaissé حكم الله. لهذا الآن ils inventent des lois par rapport à la société. L'homosexualité c'est مردود شرعا وعقلا. الله سبحانه وتعالى حرمها. Et celui qui est à la fitra, il sait que l'homosexualité c'est du شر. Ça contredit la saine nature. La démocratie avec ses قوانين, et ils ont plus de limites, ils ont vu que le شعب des années après, ils commençaient à accepter cette chose, et ça s'est beaucoup répandu. Al-an dans kathir min al-buldan, ils l'autorisent. Alors que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, abadan. Pourquoi ils l'ont rendu licite avec la démocratie? Fal-hukm indahum, il est plus lillah, il est li al-sha'b. Enfin, si le sha'b il est d'accord, et le peuple il est d'accord, l'homosexualité, ils sont tous d'accord, ou la majorité plutôt, enfin, pour eux, ça devient légal. Sallallahu alayhi wa sallam. أما المسلم لا المسلم ولله الحمد سي مسلم وانا ديجا دي أن الإسلام سي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فمن الانقياد بالطاعة أي لله عز وجل سي d'avoir la conviction أن l'homosexualité c'est حرام. Et الله سبحانه وتعالى il nous a أو il a cité في القرآن الكريم l'histoire de Lot, قوم Lot et tout ce qui s'est passé أنهم سي مفسدون إلى آخره. فكيف المسلم يبقى دي لسي tout ça et il va penser que c'est licite? لماذا لأن بعض الأشرار ils ont décidé que c'était légal licite. هذا ça contredit أصل الإسلام. فالإنسان يحذر الإنسان يتعلم دينه. فكم من الناس الآن qui vivent عند الكفار et même certains qui vivent pas عند الكفار تأثروا بهؤلاء et ils pensent que la démocratie c'est la solution. Ils pensent que la laïcité c'est la solution. وشوهوا صورة الإسلام, ils pensent que l'islam comme il était appliqué à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux c'est trop. Et pour eux c'est pas adaptable. C'est très très grave. Et ces choses qu'on cite, que ce soit Kalam Cheikh Ibn Baz l'an, ou Kalam Cheikh Nijmi qabla dhalik, ou Kalam Cheikh l'Islam avant, c'est des choses mujma alayha bayna ahli al-ilm, des choses unanimes bayna ahli al-ilm. La taqtarbi bil munharifin l'an wa zanadiqa. Qala أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو الحادي والعشرين. هذا كذلك سعند سناقيد. Celui qui pense que appliquer la charia الآن c'est plus adapté. وبعضهم ils ont cette عقيده. أن la lapidation, couper la main du voleur, النفس بالنفس, celui qui a tué injustement il se fait tuer. الحدود qui sont cités dans le Coran et la Sunna. Celui qui pense que c'est plus adaptable ou que c'est de la barbarie. هذا عيادا بالله الصغر الإسلام لماذا؟ لأنه سيسي المسلم يدوى سسومتر أحكم الله عز وجل سيلا فبلس بور أبليكي سيلا فبلس بور سي أوتر شوز سا أريب لكن أنه يرجتك سن كور إلي با داكور هذا عيادا بالله سا مونتر كلا أن بروبلم في أصل الإيمان. قال رحمة الله عليه أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين بعضهم يزون ست عقيدة. Ce qui a retardé le musulmane, c'est le fait de s'accrocher au fondement de l'islam. Ce qui a retardé le musulmane, c'est le contraire. C'est le fait d'avoir délaissé beaucoup de choses, beaucoup de la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui a retardé le musulmane. Lakin, al-mawazina inqalabat. Qalaw annahu yuhsar fi alaqat al-mar bi rabbihi duna an yatadakhal fi shu'un al-hayat al-ukhra. C'est ça la laïcité. La laïcité, c'est fasl al-din min al-dawla. Ou fasl al-din min tout ce qui touche au domaine public. C'est ça la laïcité. La laïcité, hey, tu fais ton din chez toi. Amma à l'école, dehors, dans les lieux publics, le gouvernement, les lois, il n'y a pas de din. La démocratie. Thumma hum yaqulun anna sa'il dans la sphère privée. Hey, chez toi. Ça, c'est du kufr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé al-jinn wal-ins que pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que ça soit à la maison, que ça soit dans le domaine public, que ça soit au travail. L'abd, c'est un abd. Amma ha'oula, ils disent là, dès que t'es dehors, t'adores plus Allah, tu dois rien faire montrer. Et quand t'es chez toi, là-bas. Et on a traité ce sujet, walillahi alhamd, plusieurs fois. قال ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. On l'a cité là. On a celui qui pense maintenant que couper la main du voleur à notre époque c'est plus adapté. بل c'est la solution في الحقيقة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن أكثر الناس لا يعقلون. أما c'est la solution. أن ce voleur, s'il a volé un objet d'une certaine valeur, الشريعة c'est que sa main doit être coupée, c'est pour le bien de tout le monde. Et c'est lui qui a été injuste envers lui-même. Et c'est une kafara pour lui, في الحقيقة. S'il a subi la sentence في الدنيا, ففي الآخرة, il ne sera pas jugé. Il a payé في الدنيا. ففي الحقيقة, c'est en faveur du voleur et de tout le monde. Et en appliquant ces sentences, il y a beaucoup moins de vols. لكن الكفار أبوا ذلك. Pour eux, là. Pour eux, c'est de la barbarie. Au lieu de réprimander le voleur et tout faire pour qu'il ne vole plus, ils s'attaquent à ceux qui appliquent la sentence. Alors que c'est des gens honnêtes. Et celui qui a blâmé, c'est le voleur. لكن هم في الحقيقة, ils ne veulent pas défendre le voleur. Eux, ils détestent l'islam. Et ils ont trouvé ce bab. أنه c'est de la barbarie. Et ils attaquent l'islam من هذا الباب. فحذر أخي المسلم. La kafir te sera d'aucune utilité, là, fi dunya ou là, fi l'akhir. Amma si tu le suis, tu te feras beaucoup de mal, fi dunya ou fi l'akhir. Maintenant, cette aqidah al-an, peut-être que c'est dans le cœur, l'insan, il prononce pas. Lakin, au fond de lui, il déteste hada al-hukm l'akhir, il est à la khatar. Il est à la khatar azim. Lianna, cet exemple, couper la main du voleur, c'est min hukm l'akhir. C'est cité fi l'Qur'an al-Karim. C'est pas tel savant ou tel imam ou بعضهم ils essayent de mentir. هذا سمين الوهابية. Tout ça c'est du kadib. Ça c'est pas la parole de Cheikh l'Islam. C'est pas le hukm de Cheikh l'Islam. Là c'est le verset, il est clair في القرآن الكريم. قال أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر ويدخل في ذلك أيضا كل من يعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الإسلام في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا، والحكم بغير شريعة الله، نعم والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. انتهى. Ce point, on l'a détaillé كثيرا. Et il y a un تفصيل. Cheikh عبد العزيز رحمة الله عليه dans la رسالة نواقض الإسلام il a rajouté ce point أو il a détaillé plutôt le quatrième annulatif et il a cité هذا الباب. وتأمل قوله رحمة الله عليه وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل. S'il pense que c'est permis de juger par autre que les lois d'Allah, c'est un kafir. S'il pense que c'est meilleur de juger par autre que les lois d'Allah, c'est ashad et c'est un kafir. S'il pense que c'est pareil, juger avec les lois d'Allah ou autre que les lois d'Allah, c'est la même chose. Kadhalik, c'est un kafir. Ça te donne trois soir, trois points. Il reste un quatrième point. Anahu, s'il sait que c'est du haram et il يعتقد أنه il est مخطي في هذا. Et Anahu, il n'a pas le droit de juger avec autre que les lois d'Allah. Lakin, il juge les sababin, kalhawa, ou al-za'af, ou futinabi, al-mal, ou dunya. Hada, c'est un autre hukm, c'est pas un kafir. Hada, c'est muhim, li anna ba'd al-nas, ils n'ont pas fait ce tafsil, et ils ont mal compris al-mas'ala. Naqra kalam Cheikh Abd al-Aziz, rahmatullah alayhi, un autre kalam. ويدتعي أكثر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور. Celui qui juge par autre que les lois d'Allah, il y a quatre cas. Forcément, il fera partie d'un de ces cas, une de ces catégories. Quatre. La première catégorie, قال من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفر أكبر. Ça, c'est la plus grave des catégories. Annahu, il pense que autre que les lois d'Allah, c'est meilleur que les lois d'Allah. Maintenant, un had yaqul, la démocratie, c'est mieux que la sharia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La chaque fait kufre. Limadha li anna, il fait passer les lois de Bachar, il les favorise, il pense qu'elles sont meilleures que les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hada la chaque fait kufre. Deuxième cas, من قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم لهذا جائز وبالشريعة جائز فهذا كافر كفرا أكبر. Deuxième cas, في الحقيقة Cheikh Ibn Baz il a cité du pire au moins pire. Deuxième cas, il dit que autre que les lois d'Allah et les lois d'Allah c'est pareil. Il favorise aucune des deux sur l'autre. هذا c'est du كفر. لماذا لأن il place des lois inventées par les hommes au même niveau que les lois d'Allah Azza wa Jal. Yakfur. Qala Azza wa Jal, in al-hukmu illa lillah. Al-hukm c'est lillah wahda. Celui qui pense que c'est meilleur ou que c'est pareil, ashraka ma Allah. Wa kafara billahi Azza wa Jal. Lian al-wajib c'est l'hukm bima anzallah. C'est une ibadah. Troisième cas. Man qala ana ahkum bihada. Ay bi ghayri shari'atillah. والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز فهذا كافر كفرا أكبر كذلك. Troisième cas, il juge par autre que les lois d'Allah et il dit que les lois d'Allah c'est mieux. Il reconnaît que les lois d'Allah عز وجل c'est أفضل لكن يعتقد, il croit que juger par autre que les lois d'Allah c'est permis. هذا كذلك يكفر. لماذا؟ لأنه يلوتوريز une chose que Allah il a haram. Allah il a interdit de juger par autre que les lois d'Allah. قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا يدي لا c'est permis. لا شك يكفر. C'est comme s'il disait l'alcool c'est permis. أو الزنا c'est permis. يكفر. لأن le verset il est clair. Troisième cas. Quatrième cas, من قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة أفضل. Quatrième cas, il juge par autre que les lois d'Allah, lakin il reconnaît que c'est interdit ce qu'il fait. Et il n'a pas le droit, lakin il le fait. Et il est convaincu juger par la sharia du prophète Mohammed sallam, c'est mieux. Et juger par autre, c'est interdit. Lakin, il le fait quand même. قال ولكنه متساهل فهو كافر كفرا اصغر لا يخرج من المله ويعتبر من اكبر الكبائر. Quatrième cas, Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi قال ce qu'il fait c'est interdit. Et il le fait pourquoi? لانه il a des faiblesses, son iman il est faible. C'est du kufr asghar. C'est du petit kufr, c'est pas du grand kufr et ça reste un musulman. Lakin ce qu'il fait c'est min akbar al-kaba'ir. Ça fait partie des plus graves péchés. Ah, c'est ça, at-tafsil as-sahih. Yujma' avec ce tafsil bayn al-adilla. Lian Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, kama ta'lamoun, ou ya'lam kathir minkum, annahu il a expliqué le verset, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et kufran asghar, dans certains cas. Et dans certains cas, kufran akbar. Donc pour rassembler bayn al-adilla wa aqwal al-salaf, ما ذكره الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه وقبله الامام ابن ابي العز رحمه الله كذلك الى سيتي مثل هذا التفصيل الامام ابن القيم كذلك قال الصحيح هذا كلام ابن القيم رحمه الله في المدارج مدارج السالكين الصحيح ان الحكم بغير ما انزل الله يتناول الكفر الاصغر والاكبر بحسب حكم او حال الحاكم ثم الى سيتي التفصيل كالشيخ بن باز Il a cité Cheikh Ibn Baz, tafada min a'immat as-sunna qabla, que ce soit Ibn al-Qayyim ou Ibn al-Iz ou ghayruhuma. C'est ça le qawl as-sahih. Wa nahnu nansah al-ikhwan annahu la yashtaghil bi mithl hadhihi al-masail yukhalif a'immat as-sunna. Et il parle que de ça. Et robama, il comprend pas et il rentre dans des choses, yadur nafsahu wa ghayra. Al-mas'ala li wadiha. Il regarde est-ce que tel gouverneur il juge par les lois d'Allah et il regarde tel gouverneur il a fait telle faute et lui-même il a un naqs. Wallahi, ba'dhum yviv 'inda al-kafara et il s'habille comme un kafir et il se mélange au kuffar et des ma'asi layl nahar, des péchés et il critique les gouverneurs jour et nuit. Limada mithl hadha la yahkum bima anzala Allah fi nafsihi awwalan. Pourquoi il n'applique pas les jugements d'Allah sur lui-même? فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. C'est pas min hukm Allah de s'habiller comme un kafir. Ça arrive d'avoir des faiblesses. Lakin limada tu critiques le gouverneur pour une erreur et mit la haoula ils font robama plus. Ça c'est pas min at-tawfiq. As-sunni il accepte pas le batil, que ça soit un gouverneur ou autre. Lakin as-sunni il a un comportement avec le hakim. Si c'est un muslim, c'est un muslim. Et on a déjà dit anna mit la hadhi al-masail ça revient à ahl al-ilm. Amma wahid Jahl. Et la seule chose qu'ils trouvent, c'est critiquer les gouverneurs des musulmans. Ceux des kuffars, ils ne sont pas critiqués, si vous avez remarqué. Là, ba'dhum, c'est hukam al-muslimin naylah. Faites du'a pour eux, akhi. Apprends ton din. Et yawm al-qiyama, tu seras interrogé sur ton nafs. Et sur ta femme, sur tes enfants, si tu as une famille. Sur tes proches, tu seras interrogé. Mais sur le gouverneur, tu ne seras pas interrogé. S'il fait du bien, c'est l'inafsé. S'il fait du mal, c'est alay. لكن بعضهم الشيطان اللي زكار يسوبلي لويمم ربما يفي با الصلاه تاع لور اي كريتيك لو غوفرنور ابليك شرع الله على نفسك وعلى اهلك اي ابره tu sauras comment te comporter avec les autres. الانسان يحذر. On apprend ce tafsil, les quatre cas, et on applique et on fait des efforts et on fait dua pour le gouverneur si c'est un muslim. Et s'il a des erreurs, et tout le monde fait des erreurs, فندعو الله سبحانه وتعالى ان يهديه. C'est ça le manhaj as-sahih. Amma perdre son temps et critiquer les gouverneurs, ça fait que du mal. Fas-salaf, c'était a'lam an-nas rahimahumullah wa radiyallahu anhum, et ils n'ont pas perdu leur temps avec hada. Là, ils connaissaient leur din. Bal ils détestaient ceux qui parlaient sur le hakim al-muslim, même s'il avait des erreurs. Wallah musta'an. Hada ma yata'allaq bi hada an-naqid al-muhim. Na'am naktafi bi hada an-naqid. راجعوا ريفيزي سو ناقض الى مهم لو كاتريام اي لو بروشان درس ان شاء الله تعالى نقرا الخامس نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك